Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour une nouvelle leçon de niveau Upper Intermediate. Aujourd'hui je me retrouve avec JP. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui on va parler du boxe. Oui, on va parler de sport. De sport. On se retrouve sur un ring et bon, comme on imagine, combat de boxe, énorme ambiance. Ouais. Ça crie de tous les côtés. Et bon, malheureusement, dans un match de boxe, généralement, ça se passe pas très bien pour un des deux participants. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui gagne et puis il y a toujours quelqu'un qui gagne pas. Quelqu'un qui a mal. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir un peu dans le dialogue. Mm-hmm. On se retrouve à la fin d'un round, okay. Puisque en français, il n'y a pas d'autre mot. En fait, on utilise le mot round comme okay. En anglais. Ok. Et on va voir ce qui va se passer pour notre cher ami. On va voir si ça se passe plutôt bien ou plutôt mal pour lui. Oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Marcel. Marcel, oui. Mm-hmm. Et ça va être une conversation entre Marcel et l'entraîneur. Et son entraîneur, c'est bien ça. Okay. Ouais. Et le mot-clé? Alors, le mot-clé ici est « c'est dans la poche ». C'est dans la poche. It's in your pocket. C'est une expression, cela veut dire aussi qu'il y a quelque chose dans la poche. Oui, tout à fait. Mais aussi que ça peut vouloir dire aussi que c'est gagné. Oui. C'est déjà fait. Voilà. OK. C'est dans la poche. On dit en anglais, it's in the bag or you got it. C'est quelque chose que l'entraîneur peut dire pour encourager le boxeur. Oui, tout à fait. OK. Donc on va voir quels sont ses conseils et on écoute le dialogue maintenant. OK. Assieds-toi, Marcel. Ici, ici. Le tabouret ici. Voilà. Respire. Allez, respire. Bon, ton jeu de jambes, petit. N'oublie pas ton jeu de jambes. C'est ce que je peux, mais il est costaud, le bougre. C'est pour ça que tu dois jouer sur ta vitesse, être rapide dans tes mouvements. Oui, mais on dirait qu'il ne boxe pas dans la même catégorie. Mais non. En tout cas, quand j'ai pris son troisième crochet du gauche... J'avais l'impression qu'il pesait 30 kilos plus que moi et qu'il avait un marteau à la place du poing. Tu dois lui montrer ce que t'as dans le ventre, petit. C'est super cute, c'est du vent, de la gnognotte. Tu peux le démonter en moins de deux, ce grand dadé. Jojo, perçu l'arcade, elle est trop gonflée. Allez, c'est dans la poche. Mets le KO d'entrée de jeu. Allez, une dernière patate. Ramenez une civière pour Marcel. Bon, nous voici malheureusement. Ce n'était pas dans la poche. Oh, Marcel. Là, Marcel, tu vois, ce prénom, on n'a pas été choisi au hasard. C'est parce que Marcel, c'est le prénom du plus grand boxeur de tous les temps. Ah oui, comment il s'appelle? Pardon, le boxeur français. Hein. Ah, voilà. Marcel Cerdan. Marcel Cerdan. Oui, qui okay. avait l'habitude de gagner. Mais bon, ici, ce n'est peut-être pas le même Marcel. Non. Alors, on va commencer avec cette phrase « jeu de jambes ». Oui, donc c'est une phrase qui s'emploie beaucoup dans le milieu sportif mm-hmm. ou bien dans la danse aussi. Okay. Donc c'est la façon dont une personne se déplace mm-hmm. et qui l'aide à améliorer en fait sa façon de danser ou sa manière de pratiquer un sport. Ah oui, alors en anglais on dit footwork, c'est très important dans la boxe, jeu de jambes. Ici c'est d'autant plus important puisqu'il le répète deux fois. Mm-hmm. Mais bon, Marcel, il a quand même noté que l'autre en face, mm-hmm. il est quand même costaud, le bougre. C'est pas n'importe qui. Il se demande d'où il sort ce type, ce mec en fait, ce bougre, mm-hmm. puisqu'il est tellement costaud, il est tellement grand, voilà, il est fort, exactement, impressionnant, musclé, exactement, oui. Alors il dit, je fais ce que je peux, non? I do what I can. Ouais. Ce que, on va voir deux fois dans ce dialogue, cette expression, ce que, cela veut dire what, non? Je fais ce que je peux, I'm doing what I can. En plus, il doit jouer sur sa vitesse, il doit faire plus d'efforts, mm-hmm. toujours par rapport à ce jeu de jambes, et il doit être plus rapide dans ses mouvements. Oui, oui, et ça c'est normal, parce que quand tu boxes contre quelqu'un de plus grand, de plus costaud, ouais. Il faut essayer de le fatiguer. Exactement. Mm-hmm. Parce que bon, le pauvre Marcel doit être un peu plus petit, ouais. doit avoir plus de mal, donc il doit essayer de... De le faire courir. Ouais. C'est pas lui qui va l'impressionner, donc mm-hmm. il doit essayer de le fatiguer, exactement. Voilà, voilà. Et ça, comment? En jouant sur sa vitesse. Mm-hmm. Et en étant plus rapide. Oui. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, mm-hmm. puisque Marcel, il dit, mais pff, on dirait quand même qu'il ne boxe pas dans la même catégorie. Oh non, c'est un prétexte quand même. Il veut pas retourner. Et l'expression là, c'est, on dirait que, non? Oui. It seems that. Exactement, oui. Ok, ça c'est le conditionnel, la forme conditionnelle du verbe dire. Oui. Ok, on dirait it seems that. Qu'on emploie énormément en français. Mm-hmm. On dirait qu'il va pleuvoir. Oui. On dirait que tu es un expert. Voilà un autre exemple. Oui. Mais non. Ok, là où l'entraîneur dit « mais non », ça veut dire qu'il veut contredire ce que dit Marcel. Oui, exactement. Mm-hmm. Alors, la traduction en anglais, ça c'est « yes, he does ». Mais en français, c'est « mais non ». Là, on dirait que c'est vraiment culturel, non? Ouais. Je sais pas. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça veut dire la même chose, c'est que les deux boxeurs sont bien tous les deux dans la même catégorie. Oui, oui. Et comme tu disais, c'était un prétexte, une excuse. Voilà. Alors, ils vont continuer à parler de ce qui s'est passé pendant le round. Oui, parce qu'en fait, Marcel, il a des arguments quand même. Oui. Pour dire qu'il a souffert et que ça se passe pas bien avec l'autre boxeur. Oui. Il a dit qu'il a pris plusieurs crochets de gauche. Oui. Non, left hooks. Oui, un crochet, donc c'est un coup de poing, en fait. Oui, donc qu'il a pris, qui veut dire ici, en fait, qu'il... Il a reçu les coups de poing. Exactement. Mm-hmm. Et là, même au troisième crochet... Il a vraiment eu l'impression que l'autre type, il n'était pas humain. Puisqu'il dit même qu'il semblait qu'il pesait 30 kilos de plus. Et qu'il avait un marteau à la place du poing. Ouais. Ça doit faire mal. Ouais. Mais son entraîneur continue à le motiver. Oui. Il ne veut pas qu'il décroche, il ne veut pas qu'il cède. Mm-hmm. Et il veut que Marcel retourne sur le ring et montre à tout le monde et à l'autre boxeur ce qu'il a dans le ventre. Ok, ce qu'il a dans le ventre. Ouais. Là, on a deux choses. Il y a ce que, qui revient encore une fois, cela veut dire « that which », no? You gotta show him that which tu as dans le ventre. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir quelque chose dans le ventre? Cela veut dire montrer ce dont on est capable. Ok. Si par exemple, tu dois aller passer un examen, tu vas me dire « oh, j'ai pas bien étudié » ou « je connais pas très bien », mais je dis « montre-leur ce que tu as dans le ventre, montre-leur ce dont tu es capable, que tu peux le faire ». Ok, c'est pareil en anglais. On peut dire « you gotta show them what you're made of, you gotta show them what you got ». Voilà l'expression française pour ça. Mm-hmm. Avoir quelque chose dans le ventre. Ouais. Ok. Et puis il continue, il parle de ses uppercuts. Ouais, il continue à le motiver, quoi. Il est en train de dénigrer l'adversaire en lui disant, mais ne t'inquiète pas, ses uppercuts, comme tu dis, c'est du vent. C'est du vent, c'est de l'air. Voilà, de la gnognotte. Et qu'est-ce que cela veut dire, la gnognotte? C'est quelque chose qui ne mérite pas qu'on s'y arrête. Ok. Voilà, quelque chose qui est inintéressant, qui n'a pas d'intérêt, en fait. Ok, ces uppercuts, ils sont très légers. Exactement, ouais. Okay. Et donc, tout va bien se passer, puisque selon la théorie de l'entraîneur, eh bien, il va le démonter en moins de deux. En moins de deux. Qu'est-ce que cela veut dire, en moins de deux? En moins de deux secondes? Ouais, on peut l'interpréter comme ça. Ok. Ça veut dire très vite. Très vite, en moins de deux. Ouais. Ce midi, tu as mangé très vite. Ah oui. Tu avais très faim, non? J'avais très, très faim. J'ai dû manger en moins de deux. Et alors après, il y a aussi le grand dadé. En fait, dadé, c'est un autre mot pour dire un imbécile. Mm-hmm. C'est pas très méchant, mais ça veut dire cet idiot. Ok. Un grand dadé. Ok. Et là, à ce moment quand même, il fait un aparté, il s'arrête et il parle à une troisième personne. Jojo. Jojo. Pour que le fameux Jojo perce l'arcade de Marcel. Percer l'arcade, cela veut dire... ça, c'est une expression très spécifique à la boxe, non? Oui. Pierce his eyebrow. Exactement, oui. Elle est trop gonflée, so it's swollen. Exact. And it needs to be drained. Oui. OK. On doit essayer d'évacuer tout le sang qui est contenu dans l'arcade. Pour qu'il puisse remonter sur le ring, ça ne lui fasse plus mal. Oui, oui, oui. Une fois que ça s'est fait, il remotive à nouveau Marcel. Il dit « Allez, c'est dans la poche. » C'est dans la poche, ça c'est le mot-clé. Oui, qui veut bien dire « C'est gagné, ça va aller. » Ouais. Mais le chaos d'entrée de jeu. Donc, dès le début, ne lui laisse aucune chance, pas de pitié, d'entrée de jeu, tu y vas, tu le mets KO. Take him right out. Ouais. OK. Comment? Avec une dernière patate. Donc, une patate qui est aussi le légume. En fait, qui est le mot familier pour la pomme de terre. Oui, oui. Mais ici, qui veut dire également le coup de poing, quoi. Le coup de poing. Mais, malheureusement... Ah là là là là là là là. C'était pas Marcel qui a donné la dernière patate. Non, la dernière patate, elle venait d'en face. OK. Et puis, l'entraîneur dit, amenez la civière pour Marcel. La civière, ça sert pour transporter les blessés. C'est ça. Qui peuvent pas... Qui veulent plus marcher, quoi. Voilà. Qui sont inconscients, généralement. Oh non. Donc, je crois que pour Marcel, c'est direction l'hôpital. Mm-hmm. Et pour nous, ce sera une nouvelle écoute du dialogue. Assieds-toi, Marcel. Ici, ici. Le tabouret ici. Voilà. Respire. Allez, respire. Bon, ton jeu de jambes, petit. N'oublie pas ton jeu de jambes. Je fais ce que je peux, mais il est costaud, le bougre. C'est pour ça que tu dois jouer sur ta vitesse, être rapide dans tes mouvements. Oui, mais on dirait qu'il ne boxe pas dans la même catégorie. Mais non. En tout cas, quand j'ai pris son troisième crochet du gauche, j'avais l'impression qu'il pesait 30 kilos plus que moi et qu'il avait un marteau à la place du poing. Tu dois lui montrer ce que t'as dans le ventre, petit. C'est supercute, c'est du vent, de la gnognotte. Tu peux le démonter en moins deux, ce grand dadé. Jojo, perçu l'arcade, elle est trop gonflée. Allez, c'est dans la poche. Mets le KO d'entrée de jeu. Allez, une dernière patate. Une dernière patate. Un nil civière pour Marcel. Alors, Amaury, est-ce que tu es jamais allé voir un match de boxe? Eh bien, non, j'ai jamais assisté à un match de boxe. Mais tu as vu à la télé? Ouais, à la télé, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Ouais. Surtout quand tu vois les grands costauds. Non, mais c'est vrai qu'il y a des types qui sont vraiment costauds. Oui, oui, oui. Ces bougres, ils sont impressionnants. Ça m'intéresse, mais de loin, on va dire. De loin? De loin. Cela veut dire que toi, tu aimes pas boxer? Non, je suis plutôt non-violent. Non-violent? Ouais. Mais je peux t'enseigner. C'est vrai? On pourrait voir, faire un petit... droite, gauche, gauche, droite. Montre-moi ton jeu de jambes, JP. JP a un très bon jeu de jambes. Oui, oui, mais c'est un podcast. C'était vraiment impressionnant, mais malheureusement, vous ne pouvez pas voir. Je suis là pour témoigner. Mais tous les sports, genre le judo, le karaté. Ok. J'ai beaucoup d'amis qui en font. Moi, j'ai jamais trop aimé. Un peu violent. Ok. Mais Amaury, la boxe française, ça existe aussi quand même. Ouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Oui. Ici, évidemment, dans le dialogue, on fait plutôt référence à la boxe anglaise. Ok. Mais il y a la boxe française également. Et c'est comment? On fume. On mange de fromage. Tout le monde a un béret. Ouais. Mais en fait, on a le droit d'utiliser les pieds aussi. Ah. Également. Ouais. Et donc, c'est connu en France, mais c'est quand même moins bien connu que la boxe anglaise, comme on en a parlé dans le dialogue ici. Mmh. Voilà, donc si vous connaissez aussi certains types de boxe, si ça vous intéresse, si vous aviez déjà entendu parler de la boxe française, ou bien si vous êtes plutôt amateur de boxe thaïlandaise, on serait très content que vous apportiez votre expérience sur la page de discussion. Donc rejoignez-nous sur frenchpod.com, où vous avez accès à tous les exercices et au forum avec tous les autres utilisateurs. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.